La plus admirable des fleurs défend de regarder ailleurs. 18 juin, soir. Le matin, au centre du parc, près du lac, là où j'étais assis le jour précédent, je recommence à jouer la chanson de Hoa. Cette fois-ci, le tempo musical est, malgré moi, plus nerveux. Impossible de jouer autrement. Amei, assise à mon côté, j'affirme sans en être convaincu, tout en espérant la réalisation de mon vœu. Si Hoa est ici, quelque part, et entend cette musique, elle viendra. Quelques promeneurs s'arrêtent et m'écoutent, les uns avec curiosité, d'autres amusés. Quand j'ai fini la mélodie, je m'arrête, puis demeure abattu. Soudain, Mei se tourne vers moi et me dit « À propos, je viens d'y penser. J'ai oublié de te dire ce que Hoa a chanté. » Le titre de la chanson est Hoa Die, à ne pas confondre avec le nom de Hoa, dont le A final a un son prolongé et signifie « fleur ». Par contre, dans la chanson, le A final du terme « Hoa » est bref et descendant. Il signifie « changer ». Le titre de la chanson est donc « changer », sous-entendu « en papillon ».« Changer en papillon ?» je m'interroge, perplexe. Qu'est-ce que cela signifie ? Mei hausse légèrement la tête, avec une profonde mélancolie, puis raconte. L'histoire remonte loin, très loin dans le passé, entre 265 et 420 de l'ère chrétienne, époque chinoise Jin. Puis, cette chronique inspira un roman qui fut écrit durant la dynastie Song, entre les années 960 et 1279. Voici le contenu. Deux étudiants fréquentaient la même école et sont devenus des amis très liés. La singularité est que l'un des deux amis était une jeune fille, mais travestie en garçon. À l'époque, les femmes n'étaient pas admises dans les écoles, mais la jeune fille avait convaincu son père de l'y envoyer. C'est ainsi que fut utilisé le stratagème du déguisement. Durant la scolarité, la jeune fille tomba amoureuse de son ami, mais n'osa jamais le lui dire, et lui ne découvrit jamais qu'elle était du sexe féminin. À la fin de la scolarité, les deux amis se séparèrent sans que la jeune fille dévoilât son amour. Peu d'années après, elle apprit que son ami était décédé, et le papa de la jeune fille décida de la marier. Elle n'accepta pas, mais finalement, dut se résoudre à satisfaire la décision de son père. Durant le chemin vers la maison du mari, la route passait près de la tombe de son aimé. La jeune fille demanda alors de s'arrêter un moment. Elle laissa les deux témoins du mariage qui l'accompagnaient et alla toute seule jusqu'à la tombe. Là, elle s'assit et pleura, pleura, pleura tellement. En sanglotant, elle déclara à son aimé gisant dans la tombe « Ah, combien j'aurais désiré avoir comme témoin le ciel et la terre afin de m'unir à toi pour tout le reste de notre vie !» Soudain, la tombe s'ouvrit et l'amant de la jeune fille se transforma en papillon, en même temps qu'elle. Ainsi, l'un à côté de l'autre, ils s'envolèrent dans l'air et, comme tous les papillons de cette espèce, les deux amoureux sont restés unis pour le reste de leur existence. Soudain, quelque chose tombe près de moi. Je me précipite, suivi par Mei. Les mains tremblantes, je saisis l'objet et le regarde. C'est un petit caillou, recouvert d'un morceau de papier. Je le déplie rapidement et vois un très court texte écrit en chinois. Alors je cours, suivi par Mei, jusqu'au lieu d'où a été lancé le message. L'endroit est désert. Mei me traduit le texte. « La fleur que tu as connue s'est fanée. Inutile de la chercher. De plus belles fleurs existent. » « Qu'est-ce que cela signifie ?» me demande-t-il, stupéfait. Également étonné, je ne sais quoi répondre. Je relis plusieurs fois le contenu du texte pour en comprendre le sens. « J'ai très longtemps hésité à écrire ce message. La fleur que tu as connue n'existe plus. Non, ce n'est pas exact. Plutôt, c'est fané, c'est la vérité. Puis, ne la cherche plus. Non, c'est autoritaire. Mieux vaut, inutile de la chercher. Certes, la phrase est cruelle. En chirurgie aussi, la guérison passe par la douleur. Puis la conclusion, une plus belle fleur existe. Non, mieux vaut être plus général, plus subtil. De plus belles fleurs existent. La femme qui est avec lui, son épouse, je suppose, est chinoise. Elle comprendra et saura traduire à son mari. » Dans un restaurant près de l'hôtel, je m'efforce de nourrir mon corps, bien que l'appétit soit totalement absent. Mais elle aussi est dans une situation identique. Notre esprit est trop occupé par l'énigme du message reçu. Après un très rapide dîner, nous retournons dans notre chambre. Immédiatement, je me connecte via webcam avec Alice. Je l'informe du texte reçu. « Qu'en penses-tu ? » Elle réfléchit, longtemps, très concentrée. « Si le message, déclare-t-elle, n'est pas une plaisanterie de très mauvais goût, S'il est réellement de la personne concernée, voilà mon interprétation. Cette femme a enseveli le passé dans une tombe sur laquelle elle a mis une dalle définitive. L'explication me met KO au tapis. Néanmoins, je tente de comprendre. Et alors ? Et alors, si tu veux vraiment du bien à cette femme, tu ne dois pas rouvrir sa plaie et lui causer d'autres souffrances encore. Pour elle, tout appartient désormais au passé. Comme dit le texte, poétiquement, la fleur s'est fanée. Et cette phrase, de plus belles fleurs existent. Je pense que l'expression est claire. Elle fait allusion aux autres femmes qui existent autour de toi, avec lesquelles tu as ou pourrais avoir une relation sentimentale. Une femme ? Si je l'avais, pourquoi serais-je venu ici pour la rencontrer, elle ? Là, je suis incapable de te répondre. La conversation finie, je reste dans les ténèbres les plus noires. Bruno me confie la discussion avec son ami, puis conclut. Je désire tout le bien du monde à Hua. Je ne veux en aucun cas lui causer de souffrance. Je ne cherche pas à la voir pour satisfaire mon désir exclusif, mais uniquement si la rencontre peut lui procurer du bien, à elle aussi, d'abord à elle. Qu'en penses-tu, toi ? Je te le demande parce que tu es chinoise comme elle. Il est possible qu'à ce propos, nos cultures, nos manières de penser, la vôtre et la mienne, diffèrent. Je sens le besoin de bouger pour maîtriser ma nervosité. Je me lève, puis je vais et viens dans le petit espace. Bruno me suit du regard. Cher maudit. Note, philosophe de l'Antiquité chinoise. Tu m'as permis de comprendre l'étroitesse de la soi-disant bienveillance confucéenne, celle de servir d'abord ce qui est proche, au détriment de ce qui est lointain. Non, as-tu dit, il nous faut l'amour universel, aimer autrui autant que soi-même et ses proches. Je dois donc aimer Hua comme moi-même, quel que soit le prix à payer. Je m'arrête et me tourne vers Bruno. Mais il déclare d'un ton ferme, ne décide pas pour Hua. Tant que tu le crois utile pour tous les deux, elle et toi, continue à la chercher. Laisse-lui la décision de te rencontrer ou pas. Admirable, sublime Mei. Mais pourquoi, tandis que tu parlais, je te voyais une telle douleur sur le visage, une douleur qui m'a profondément remué. J'espère qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui m'écrasait quand je lui exprimais mon opinion. Soudain, Mei déclare, dans un éclair de lucidité, « Mais oui, mais oui !» De la paume de sa main droite, elle se tape son joli front. Elle ajoute la dernière phrase du message « De plus belles fleurs existent ». Comment ne l'ai-je pas compris tout de suite ? La fleur en Chine symbolise la femme. Et alors ? « Hua t'a vu avec moi ? Elle croit donc que je suis ta femme ?»« Mais pourquoi le penserait-elle ? Si tu étais ma femme, pourquoi serais-je venu la chercher ?»« comme amie qui veut simplement venir la retrouver. Chez nous, l'amitié est aussi forte que l'amour. » Hua n'a probablement pas compris que j'étais tout simplement ton interprète. Il faudra donc trouver le moyen de lui faire connaître la vérité. Ô jeunesse, ô beauté, et toi, éternité. 19 juin, soir. Matin, la même place du parc. Encore une fois assis, je joue la mélodie, les yeux fermés, apparemment absorbés par la musique. En réalité, mes nerfs sont furieusement sollicités. J'attends. J'attends impatiemment un nouveau signal. Pendant qu'il joue, ma tête est baissée vers le sol, en proie à je ne sais quoi de violent et de déchirant en moi. Caché derrière un buisson, j'assiste à la scène. Mon regard est rivé sur lui, exécutant la musique de mon chant, celui de notre première fulgurante rencontre. Un couple de personnes très âgées s'arrête en jetant un regard au musicien. « Tu te rends compte ? » dit la femme à l'homme près d'elle. Nos jeunes méprisent aujourd'hui notre musique traditionnelle. Et voilà un étranger, un occidental, qui l'aime au point de la pratiquer. Le soleil diffuse une apaisante lumière vive sur le parc. Des groupes d'oiseaux voltigent çà et là, dessinant de splendides balais. Ce débordement de joyeuse vie contraste totalement avec l'accablement qui nous tourmente. Bruno finit de jouer la mélodie. Le couple de vieillards s'éloigne. Nous demeurons seuls, silencieux. Caché derrière la végétation, je fixe le couple. Mais pourquoi sont-ils revenus ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je murmure tristement à Mei. Si réellement c'est Hua qui a envoyé le billet, crois-tu qu'elle se manifestera ? Le message a l'air d'une déclaration de refus de rencontre. Qu'il m'est dur de prêter l'attention uniquement à la bonne partie de moi-même. Pourtant, là est mon devoir pour ne pas avoir honte de ce que je suis. Je cherche donc à raisonner objectivement. En écartant toute idée servant uniquement mon intérêt égoïste, celui de la partie que je réprouve en moi. J'émets une hypothèse optimiste en faveur de Hua. Le motif de son comportement pourrait être simplement dicté, selon notre culture chinoise, par la pudeur ou la honte. Hua n'a pas la force de se faire voir, non seulement parce qu'elle t'a vu avec moi, en me croyant ton épouse, mais aussi parce que désormais, elle a perdu sa jeunesse et avec elle, sa beauté. Je conteste. Chaque âge a sa beauté. En Chine, toutes les femmes n'ont pas cette conception. Malgré ce qui me retient, j'affirme ma plus horrible crainte. Et puis, rien ne prouve que la personne ayant lancé le papier dans le parc est Hua. Le message parle de fleurs, note Mei. C'est la signification du nom de Hua. Persistante à me faire du mal, à privilégier l'aspect négatif de la situation, j'objecte. Toutes les femmes qui ont regardé l'émission de télévision connaissent désormais ce nom. Elles peuvent donc l'utiliser. D'accord, rétorque Mei. Ce que tu dis est possible, mais nous devons tout vérifier, avoir la certitude. En Chine, le temps et les vicissitudes enseignent la valeur de la patience. Ah, le temps et les vicissitudes, surtout quand l'histoire est plurimillénaire. Enseveli sous mes soucis, je fais le bilan de ma vie. Retour dans la chambre. Je suis allongé sur le divan, sous une couverture, le dos dirigé vers Mei. Ainsi, au cas où elle a les yeux ouverts, elle me croit assoupie. Toutefois, j'ai la sensation qu'elle dort, couchée dans le lit, sous les draps. Quant à moi, que suis-je à présent? Sous un soleil torride et aveuglant, je gravis à grande peine une pente raide montagne. Les rochers présentent des arêtes saillantes, ruisselantes de sang, rouges écarlates. Au moindre faux pas, ces lames de pierre me lacéreraient. J'en serais déchiquetée. Éreintée, craignant à tout moment l'extinction de ce qui m'y reste d'énergie, je poursuis néanmoins ma très pénible ascension. Une soif suffocante m'étreint le gosier, mes lèvres gercées me brûlent, mes pieds nus, ensanglantés, continuent très lentement, très douloureusement, à monter. Soudain, devant moi, Bruno, tout souriant, de ses deux mains m'offre un splendide vase antique. Il est décoré de deux magnifiques canards mandarins, en plein vol, l'un à côté de l'autre, dans un ciel azur. À la surface du vase scintille de l'eau, fraîche. Soulagée et reconnaissante, je m'approche en titubant pour saisir la précieuse offrande. Brusquement, Bruno disparaît, le vase tombe. Il gît par terre, brisé, et soudain devient poussière, sauf un petit morceau. J'y remarque un texte. Je m'agenouille et lis. Hélas, hélas, de toi je rêve, et mon amertume est sans trêve. Où donc est la sagesse, pour éclairer ma confusion et me rendre mon allégresse, quel que soit le temps, la saison? Je me réveille sans bruit dans mon lit. Je revois la joyeuse scène du repas familial, en compagnie de Bruno. En particulier, je remarque les regards heureux de mes parents et grands-parents. Ils allaient de Bruno à moi, puis de moi à lui, assis l'un à côté de l'autre, contents. C'est alors qu'apparut en moi, pour Bruno, un sentiment autre qu'amical. Oh oui, me suis-je surprise à penser. Comme j'aurais été heureuse si je l'avais rencontré en temps opportun, chacun de nous libre de tout engagement. Le destin, je me suis toujours efforcée de ne pas y croire, persuadée qu'en disposant de conscience, d'intelligence et de volonté, je parviendrais à construire ma vie selon mes désirs. Hélas, à présent je suis obligée d'admettre, soit il y a un destin indépendant de ma volonté, soit je n'ai pas été aussi consciente et intelligente que je le pensais. Sinon, pourquoi m'être mariée? Pourtant, l'alarme s'est présentée. Quand la première fois j'ai rencontré mon ex-mari, ma sensation était nette. Je n'éprouvais pas de l'amour pour lui, mais une sorte d'affection, de reconnaissance pour un homme qui m'accordait son attention. Alors j'ai pensé que l'amour pouvait se construire progressivement, en vivant ensemble, en se connaissant mieux. Pour concrétiser ce but, j'ai tout fait, tout consenti, jusqu'aux humiliations les plus amères. Ces sacrifices me confirmèrent uniquement mon illusion. Plus j'acceptais les vexations, plus mon ex-mari triomphait, jubilait. Ce n'était pas moi qui l'aimais, mais sa domination sur moi. J'eus l'illusoire naïveté d'espérer le changer, mais tous les compromis consentis, tous les efforts déployés se sont révélés inutiles. Le temps m'a rendu clair ce que j'aurais dû savoir dès le début. On ne change pas le caractère fondamental d'un être humain. Si, à 30 ans, il ne s'est pas aimé, c'est qu'il n'a pas reçu la graine de l'amour, et désormais, son cœur est aride. Je veux interrompre ces douloureuses réflexions pour me reposer un peu, mais l'esprit demeure en ébullition. Comme toujours, il va à la poésie afin d'atténuer la souffrance. Tu m'as envahi, ô tristesse, je suis devenue ton hôtesse, je refuse d'y succomber, comment puis-je m'en libérer? Maman, maman chérie, dis-moi comment puis-je continuer à lutter, et contre quoi? À 20 ans, je me suis cru capable de vivre selon mes désirs, je possédais les atouts pour y réussir, affection des parents et volonté personnelle. J'avais choisi de réaliser mon rêve d'enfant, être violoniste, mais je suis devenu fonctionnaire de banque. J'ai rencontré l'amour avec Hua, mais je n'ai pas su le conserver. J'ai trouvé une autre femme pour construire une famille. Assez vite, les illusions se sont perdues. J'aspirais à être un bon père. Le divorce m'a contraint à me séparer de mon fils adoré. Où donc sont les réussites de ma vie? Où est la satisfaction du cœur? Où est le contentement de l'esprit? Pourtant, c'est au meilleur âge, celui de mes 20 ans, où toute l'énergie était en effervescence, où tous les espoirs s'offraient, où toutes les voies se présentaient. C'est alors qu'eut lieu l'examen décisif de la vie sous la forme de cette jeune chinoise, mise par hasard sur ma route. Je n'ai pas su la conquérir. Tout le reste en a découlé. Lamentable rapiécement, un naufragé croyant naviguer en sûreté. M'en rendre compte à 60 ans, n'est-ce pas trop tard? J'ai pensé qu'un poste de travail prestigieux, avec les bénéfices pécuniaires et les honneurs conséquents, démontrait ma réussite. Autour de moi, tous y croyaient. J'ai fini par l'admettre, moi aussi. J'ai accordé à ce choix le flatteur nom de réalisme. Alors j'ai censuré en moi la voix qui le flétrissait comme lâche opportunisme. J'ai appris à mentir à moi-même, à mon insu. Au moment d'inconfort, y compris à ceux plus graves de désarroi, je m'obstinais à répondre « Tu dois t'intéresser au plus immédiat, au plus concret, au plus urgent. » Responsable, tu dois être. La vie, c'est des priorités, c'est positiver, toujours positiver. Tout le monde me confortait dans cette vision. Et voilà, 40 années passées, résultat, égaré. Désormais vieilli, je viens aux antipodes de l'endroit où j'ai vécu pour retrouver ce que je n'ai pas eu le courage ni l'intelligence de conserver en un temps favorable. Si Hua ne se présente pas, mon seul mérite, ou plutôt ma seule caractéristique, sera de laisser un compte en banque. Misère. Ô moi qui pouvais être un satisfait artiste. Tristesse. Ô moi qui pouvais être un heureux amant. Assise sur mon lit, éclairée par la petite lampe de chevet, mes pensées s'agitent, vagues impétueuses et tournoyantes, d'un océan en affreuse tempête. Quel est le résultat de mon énergie consacrée à l'art? Quelle a été ma vie sentimentale? Qu'en est-il de la concrétisation de mon idéal de justice et de solidarité? Quelles ont été mes erreurs? Avoir épargné à maman et papa une horrible punition de la part des autorités, au lieu de m'accorder un merveilleux amour? Non. Mais n'aurais-je pas dû, au retour en Chine, trouver le moyen de quitter le pays en compagnie de mes parents? Cependant, n'aurait-il pas été égoïste de renoncer aux belles idées à réaliser dans la patrie? Aurais-je pu être heureuse en amour, sans l'être en idéal social? Certainement pas. Les revers de ma vie ne sont-ils pas d'abord ceux de notre révolution et au-delà de celle mondiale? Un changement social uniquement en Chine peut-il durer sans un changement sur la planète entière? La réalité démontre cette illusion. Le hideux égoïsme et la criminelle injustice sont redevenus dominants partout dans le monde. Et la Chine a fini par succomber à ces fléaux. Nous sommes des millions de victimes. Qui, sur le plan économique, qui politique, qui sentimental, qui sur tous ces plans? Les semences salvatrices de la révolution ont été avortées, détournées par les requins, les chacals et les vautours humains. Ils ont remplacé les efforts et les espérances consentis par des herbes vénéneuses et des épines monstrueuses. Humiliante, très humiliante situation. Mais, pour ma part, je ne me résigne pas. Ce serait m'avouer vaincu. Loin de moi ce funeste avilissement. Vivre, c'est combattre pour un bel idéal, et combattre pour lui, même de la manière la plus modeste, c'est déjà le vivre. Toutefois, au-delà de l'abîme du découragement, du désert de l'échec, je perçois encore le fil rouge, identique chez tous les blessés de la vie, pour avoir exigé d'elle l'authentique dignité, celle de l'amour pour soi-même et pour les autres, de manière égale. Qu'est-ce que l'amour réel, sinon un hymne universel à la justice et à la solidarité, à la bonté et à la beauté, à la vie et à la félicité? Je n'ai pas su trouver l'homme idéal, mais j'eus la force de quitter un mari trop fatal. Bruno n'a pas concrétisé son amour de jeunesse, mais il a renoncé à son confort matériel pour venir de l'autre côté de la planète, jusqu'en Chine, à un âge avancé, pour relancer son désir d'aimer. Hua, également, a raté son bonheur juvénile, mais elle aussi a affronté les épreuves les plus pénibles évoquées par le chef du village. Alors, pour chacun de nous trois, tout n'est pas perdu, n'est pas vain. Plein champ, papillon. 20 juin, soir. Encore une fois, Tôt le matin, nous nous asseyons au même endroit du parc, au bord du lac, près du joli pont. L'eau est généreusement recouverte de splendides lotus aux larges feuilles, d'un vert délicat. Plus qu'hier, je suis horriblement contracté et fatigué. Je contemple le violon chinois à mes côtés un long moment. Mes yeux se tournent vers un groupe de personnes. À proximité, ils exécutent des mouvements de tai chi, lents et harmonieux. Soudain, la chanson, celle de Hua, par la même voix féminine, auparavant écoutée, je me précipite, suivi par Mei, vers l'endroit d'où elle provient. Le chant cesse brusquement, mais un violon. Nous trouvons par terre un violon. Je le reconnais, celui que j'avais offert à Hua. Hua ! Crie-t-il de tous ses poumons, au comble de l'exaltation. J'appelle aussi de toute ma force. Hua ! Hua ! Répétons-nous en chœur. Nos yeux cherchent frénétiquement dans toutes les directions. Hua ! Crions-nous encore tour à tour, à plusieurs reprises. Nos appels sont tellement déchirants que des passants s'arrêtent, d'autres cessent leur activité sportive. Tous, ébahis et inquiets, nous observent. Sans doute, ils nous croient tous deux fous, s'agitant éperdus en examinant les alentours. Cachée derrière un buisson, toute flageolante d'émotion, je les fixe en m'efforçant de ne pas bouger, de ne pas me faire voir. Oui, il est juste de lui restituer son violon. Je suis dans la situation décrite par un antique poète. L'oie sauvage s'approche graduellement du chemin des nuages. Mais, au contraire de cet oiseau, je n'ai pas d'aile et j'ignore la nature des nuages. « Hua !» hurle Bruno plusieurs fois, de plus en plus désespérément. Je répète en écho. « Hua !» « je résiste, de ferventes bouffées de feu m'enflamment. » Bruno, éperdu, ne sait plus quoi faire. Je lance de toute ma force, en chinois. « Hua !» Je suis seulement l'interprète de Bruno, seulement son interprète, pour l'aider à te retrouver, tu comprends? Je suis uniquement l'interprète chinoise de Bruno, qui est ici pour te retrouver, toi, parce qu'il t'aime encore. Ces paroles me pénètrent, me figent, je lutte contre le vertige. La voix de la femme répète, je suis seulement son interprète, tu comprends? Son interprète, rien d'autre, rien d'autre. Atroce pour moi, la prononciation de ces deux mots, rien d'autre. Un instant passe. Le chant se fait de nouveau entendre, la voix est tremblante. Hébété, nous écoutant, n'osant pas bouger, de peur que la femme disparaisse encore une fois. La complainte continue. Finalement, nous tournons le regard en sa direction et nous la voyons. Hua, face à nous, debout, au bord du pont auquel elle donne le dos, devant les lotus en toile de fond, comme si elle en est la fleur principale, elle continue à chanter. Elle est vêtue d'une splendide robe traditionnelle rouge. Or, c'est la couleur de la passion amoureuse, du courage et du sacrifice. La robe est parsemée de fleurs jaunes, couleur de la droiture et de la loyauté. Là, je lui ai donné un air sensuel et suave, si ravissant. La première fois que je l'avais vue chanter sur le plateau de théâtre, elle portait la même robe, avec les mêmes couleurs. Au comble de l'exaltation, tout en continuant à chanter, elle essaie de sourire, tandis que des larmes coulent sur ses joues flamboyantes. Oh! Mes larmes, enfin, vous êtes de joie. Moi aussi, mes yeux sont submergés de larmes, mais cette fois-ci, leur cause est le bonheur. Mes mains, malgré leur violent tremblement, se dirigent vers le violon à deux cordes, se ravisent, puis saisissent celui que j'avais offert à Hua. Par-delà les larmes abondantes me voilant les yeux, je parviens à regarder Bruno. Il accompagne la chanson de Hua en s'efforçant de maîtriser sur l'archet les mouvements de ses mains agitées. Les deux amoureux, finalement réunis, se contemplent. Ils sourient en pleurant et pleurent en souriant. Nos si longues années de séparation ne sont plus désormais qu'une césure dans un poème d'amour ininterrompu. Sa renaissance eut lieu dans le plus féerique des endroits, comme je l'espérais. Photo du lieu de la rencontre.